Wynock et G3, le nouvel ordre, la vision criminelle, Rive Sud QB, hein? Va te poudrer, petit négro, hein? Petit délateur de merde, qui est le mytho, hein? Qui est la blague? Qui est le seul à faire pomper dans l'adrénaline sans utiliser le morphine? Qui t'élève comme l'héroïne? Ma musique, l'opium, Wynock, ton idole, la drogue, le magnum. Qui fournit l'alcool même le dimanche matin? Qui trafique l'hydroponique aux Américains? Les nègres lancent roquettes, au lance-flamme. Le nez qui sort la robert de l'entrée de garage. Il escalade des montagnes de cocaïne. En quatre roues motrices, fils, l'excès. Les gonzesses sans Lexus, aucun bon sens. Mon médaillon touche à mon pénis. Pour ceux-là qui veulent le luxe, au gamme et grand luxe. Pour ceux-là qui veulent leur pension à 21 ans. Pour ceux-là qui veulent rouler une Ferrari à l'âge de 16 ans. Pour ceux-là qui veulent plusieurs maisons. Pour ceux-là qui demandent qu'à consommer pour mes trafiquants. Pour ceux-là qui veulent le luxe, au gamme et grand luxe. Pour ceux-là qui veulent leur pension à 21 ans. Pour ceux-là qui veulent rouler une Ferrari à l'âge de 16 ans. Pour ceux-là qui veulent plusieurs maisons. Pour ceux-là qui demandent qu'à consommer pour mes trafiquants. I've been getting money, raw coke, never bold. Addicted to selling bass, racing to get rich at a faster pace before I pass away. And when I'm long gone, my music still a rotate. On a high plate, my rap lines historical shine. Break barriers and new grounds like excavators. Tired of going up and down like escalators. Fucking with no inside traders. I'm famous and you could be too. And do what it do. Hover overhead from a bird's eye view. The words I choose, rhymes, no script, no cues. Smoking that voodoo, eyes blush out low. Pushing to get ahead on a paper chase. For that international bread, I'm fed. Need a multi-million dollar stretch. Maserati black, guts all red. Brand new threads, 100 pound drop for my Dominican friends. Mob life to the end. Pour ceux-là qui veulent le luxe, au gamme et grand luxe. Pour ceux-là qui veulent leur pension à 21 ans. Pour ceux-là qui veulent rouler une Ferrari à l'âge de 16 ans. Pour ceux-là qui veulent plusieurs maisons. Pour ceux-là qui demandent qu'à consommer pour mes trafiquants. Le rap terroriste, le calico musique qui vous terrorise. Oui bien quoi, qu'est-ce que tu croyais? Les fusils sont braqués sur ta petite amie. Rien n'est gratuit, on est forcé de manger. La criminalité augmente. On achète des jantes 24 pouces. Les câbles diamants qui vous dérangent la vision. Joue au con, on explose la tête de melon. Ce n'est pas long, pire que le gaz moutarde. On nous veut mort comme Saddam Hussein. Ain't got no time to waste. I'm focused on getting bang. Money over bum broke bitches all day. Hating ass niggas, stay the fuck out the way. This calico music worldwide gon' bang. Nothing stay the same, we revolve through change. Bring reality right back, neglect the lane. Kept it real, motherfucker, since I entered the game. Concurrent with pain, I put everything on my name. Mon rap est criminel, comme 25 ans au pen, j'excelle. Pour l'oseille, la maison, la CL. Et pour amener ta putain en vacances au Brésil. Pour une semaine, toutes dépenses payées avec tes économies. Je bénéficie de mon statut de rappeur. Le roi noir, drogue, argent et pouvoir. Casquette sport, fermée 7 et 3 quarts. Assis au bar, j'aperçois toi et ton équipe d'inférieurs causant les gamines de moins de 18 ans. Pour ceux-là qui veulent le luxe, au gamme et grand luxe. Pour ceux-là qui veulent leur pension à 21 ans. Pour ceux-là qui veulent rouler une Ferrari à l'âge de 16 ans. Pour ceux-là qui veulent plusieurs maisons. Pour ceux-là qui demandent qu'à consommer pour mes trafiquants.